rentres, toi tu te prends pour un ranger. Yo, c'est danger quand tu trades avec les strangers. Dans rue, les dés sont rares, plein de petites filles qui se prostituent. Les pédophiles qui fuck, on les drop de sa qui tue. Traite à l'eau, hey mon gros, tch-tch-boom blah. Si tu zoom, y'a, on porte les feuilles, on jette la rumba. Le ghost manifeste pour les pros dans l'entreprise. Vos états, je suis le mic check. Les deux bros qui jettent la mise. On afflige, légalise nos valises, plein d'analyses. Yo, nos forces acquises sont écrites dans nos livres. Je fume des livres, yeah. On est des real, pas des cheese. So, dans mes deals, yo, c'est du spot, pas des kills, yo. Mais pose pour les bikers, pis les mafias du site. Pas pour les bikers, ou ben les petites crises de gamique. Ceux qui se penchent dedans, pis qui servent du nom des autres. Dis-moi, c'est quoi ton plan, j'te dirai c'est qui ton hôte. Y'en a qui pensent que le power, ça se gagne dans le fight au street. J'sais pas pour toi, mon gars, mais ton combat, moi j'trouve ça cheap. Yo, c'est un fuck, moi c'est au Glock que j'règle ça. Hey, le coq, essaye pas, moi c'est plus fucking gangsta. Back, back, dans ton back, j'laisse ma Mac dans ton back. J'prends ma place sans mon back, comme un axe sans son crack. Yo, wacky fuck le spectre, y'a gage une cake de fou. Moi j'pogne les mic checker, ma mafia ça se forme en crew. On fuck les petites gamiques, on fuck les fucking gangsta. On fuck les petites gamiques, on fuck tes coqs à chaîne, ça. On fuck les petits comiques, ceux qui servent du nom des autres. On fuck les petits comiques, ceux qui pensent qu'être juste un rôle. Hey, stop tes bad boy, tes techniques, kill tes bad guys, tes boom scale, puis tu fêtes comme des boom wall. Ici, y'a pas de dames, t'es 400. Tu fêtes, tu perds tes cardans. Fuck tes perdants, cardans. Tout tes business, au feu, c'est quoi tes business? Ici, c'est pas le team du fitness, pour que ça ride, faut que tu persistes. J'bag mon cerveau, c'est pas plus tough que de battre tes rivaux. Fuck, tu bite tes rivaux. Y'a personne qui te monte des niveaux. Bouge, kill, parce que t'es rookie. Des milieux grands comme des wookies, reste au tout petit. C'est un bomb rush game, si tu joues GT jump after framer. Kid la TV, c'est pas ton trainer. Le beef, c'est pas ton dinner. On marche tout dans le monde de fiction. Chris, ça me donne des frissons. Après avoir passé ma patate pompe comme des pistons. Moi, je sais que je peux pas tout changer parce que fuck vient de changer. T'es comique, t'es lancé. T'es HO lancé. Je pisse juste straight. Tu penses t'es break. Tu fâches pas plus que bright light. Moi, je pense juste tu fais du semi-tight. Je m'emporte trop. Boom, calmer un shot de Bordeaux. Je te fucké, classifié de psycho. On fuck les petites gamiques. On fuck les fucking gangsters. On fuck les petites gamiques. On fuck tes coqs à chaîne, ça. On fuck les petits comiques, ceux qui servent du nom des autres. On fuck les petits comiques, ceux qui pensent qu'être juste un rôle.